25 mars. Je suis stupéfait, confondu. Il est évident qu'il me faudra réviser l'opinion que je m'étais formée sur cette question. Mais avant tout, relatons d'une façon précise ce qui s'est passé. Je venais d'achever mon petit déjeuner et j'étais occupé à examiner quelques diagrammes qui serviront à illustrer ma prochaine conférence lorsque ma femme de charge entra m'annoncer qu'Agatha était dans mon cabinet et demandait à me voir immédiatement. Je regardais la pendule et constatais qu'il était 9h30. Lorsque j'entrai dans la pièce, j'y trouvai Agatha debout devant la cheminée, face à moi. Quelque chose dans son attitude me glaça tout de suite et arrêta le flot de paroles qui montait à mes lèvres. Elle avait sa voilette à moitié baissée, mais je m'aperçus qu'elle était pâle et que l'expression de sa physionomie était pleine de contrainte. « Austin, me dit-elle, je suis venue vous prévenir que nos fiançailles sont rompues. » Je chancelai. Oui, je crois bien que je chancelai littéralement. Dans tous les cas, d'un geste instinctif, je m'appuyai à la bibliothèque. « Mais, bredouillai-je, en vérité, c'est bien imprévu, Agatha. Oui, Austin, je suis venue ici pour vous prévenir que nos fiançailles sont rompues. Enfin, voyons, expliquez-vous, m'écriai-je. Vous avez bien un motif quelconque pour agir ainsi. Vous avez l'air tout drôle, Agatha. Parlez, enfin, parlez. Dites-moi ce que j'ai bien pu faire pour vous offenser à ce point. Tout est fini, Austin. Mais pourquoi ? Vous devez vous imaginer des choses qui ne sont pas, Agatha. On vous aura raconté je ne sais quel mensonge sur mon compte. Ou bien, auriez-vous pris en mauvaise part quelque chose que je vous ai dit ? Expliquez-moi seulement à quel propos vous vous êtes fâché ainsi. Il est probable qu'un seul mot suffira à vous démontrer que vous avez eu tort. Nous devons considérer tout cela comme terminé. Mais enfin, hier soir, quand vous m'avez quitté, vous m'avez parlé comme d'habitude, et rien ne laissait prévoir une chose pareille. Que peut-il donc être arrivé dans l'intervalle pour que vous ayez changé si brusquement ? Ce ne pourrait être qu'un incident quelconque d'hier soir. Vous y avez réfléchi et vous aurez trouvé sans doute que j'avais mal agi. Est-ce à propos de cette histoire d'hypnotisme ? Me blâmez-vous d'avoir permis à cette femme d'exercer son influence sur vous ? Vous savez pourtant qu'au moindre signe de votre part, je me serais interposé. C'est inutile, Austin. Tout est fini. Sa voix était froide et mesurée, sa manière d'être singulièrement grave et dure. Il me parut qu'elle avait dû prendre la résolution bien nette de ne pas se laisser entraîner dans des explications ou des discussions d'aucune sorte. Quant à moi, j'étais en proie à une agitation telle que je tremblais de tous mes membres et je détournais la tête tant j'avais honte de lui laisser voir l'émotion à laquelle j'étais en proie. « Vous devez cependant bien comprendre quelle importance cela a pour moi, » m'exclamai-je. « C'est l'anéantissement de toutes mes espérances et la ruine de ma vie entière. » Je ne puis pas croire que vous voudrez m'infliger un tel châtiment sans m'avoir au moins permis de me disculper, si vous me jugez coupable. Je vous en prie, dites-moi de quoi il s'agit. Vous savez bien que quant à moi, et quels que soient les reproches que j'ai à vous faire, je ne pourrais en aucun cas me conduire pareillement envers vous. Pour l'amour du ciel, Agatha, dites-moi quelle faute j'ai commise. » Elle passa près de moi sans prononcer une parole et ouvrit la porte. « C'est absolument inutile, Austin. Il faut considérer nos fiançailles comme rompues. » L'instant d'après, elle avait disparu et je n'étais pas encore suffisamment revenu de mon saisissement pour songer à la suivre, que déjà j'entendais la porte du vestibule se refermer sur elle. Je courus dans ma chambre pour changer de paletot avec l'idée de me rendre séance tenante chez Madame Marden, afin de tâcher d'apprendre d'elle à quoi je devais attribuer le malheur qui m'arrivait. Mon trouble était si grand que j'arrivais à peine à lacer mes bottines. Je venais d'endosser mon pardessus quand, au même instant, 10 heures sonnèrent. 10 heures ! Je repensai aussitôt au billet de Mademoiselle Penelosa. Il était encore sur ma table, à la place où je l'avais déposé la veille au soir. D'un geste fébrile, je fis sauter le cachet qui le fermait. À l'intérieur, je trouvai ces quelques lignes tracées au crayon d'une écriture anguleuse. « Mon cher professeur, veuillez me pardonner le caractère un peu trop personnel, peut-être, de l'épreuve que je vous donne. Au cours d'un entretien que nous avions eu ensemble, le professeur Wilson, en me parlant de vous, avait fait allusion au rapport qui existait entre vous et mon sujet de ce soir, et j'ai pensé que le meilleur moyen de vous convaincre serait de commander, au moyen de la suggestion, à Mademoiselle Marden d'aller vous voir demain matin à 9h30 et de suspendre vos fiançailles pendant une demi-heure environ. Les savants sont tellement exigeants qu'il est difficile de leur fournir des preuves capables de les satisfaire. Mais vous conviendrez, j'espère, que la chose que je lui fais accomplir n'est pas de celle qu'elle exécuterait volontiers de son propre mouvement. Oubliez tout ce qu'elle aura pu vous dire en cette circonstance, puisqu'en réalité, elle n'y est absolument pour rien, et ne s'en souviendra certainement même pas. J'écris ce mot dans le but d'abréger les inquiétudes bien naturelles auxquelles vous serez sans doute en proie, et en même temps pour vous demander pardon du chagrin momentané qu'aura pu vous causer ma suggestion. Votre très dévouée, Hélène Penellosa. À dire vrai, lorsque j'eus terminé la lecture de ce billet, mon soulagement fut si profond que je ne songeais pas un seul instant à en vouloir à celle qui l'avait écrit. Certes, c'était une grande liberté qu'elle avait prise à mon égard, liberté d'autant plus grande que nous ne nous connaissions que depuis la veille, mais somme toute, c'était une espèce de défi que je lui avais lancé avec mon scepticisme. Et il faut convenir, comme elle le dit elle-même, qu'il était assez difficile d'imaginer une épreuve assez convaincante pour me satisfaire. Elle avait d'ailleurs pleinement réussi. Désormais, la question ne faisait plus l'ombre d'un doute. Pour moi, la suggestion hypnotique était une vérité définitivement acquise. À dater de ce jour, elle prenait rang parmi les autres grands faits prouvés et reconnus. Il me paraissait en effet incontestable qu'Agatha, l'esprit le mieux équilibré parmi toutes les femmes de ma connaissance, en avait été réduite, de par la volonté de Mademoiselle Penellosa, à agir comme un automate. Cette étrange créole l'avait, à distance, fait manœuvrer à peu près de la même façon qu'un ingénieur pourrait diriger du rivage une torpille Brennan. Une autre âme s'était en quelque sorte insinuée en elle, avait supplanté la sienne et s'était emparée de son système nerveux en disant « Je vais le gouverner pendant une demi-heure ». Et Agatha avait dû être inconsciente de ses actes en allant et en revenant. Pouvait-elle circuler en sécurité à travers les rues dans cet état ? Je me dépêchais de mettre mon chapeau et d'aller voir s'il ne lui était rien arrivé de mal. Oui, elle était chez elle. On me fit entrer au salon, et je l'y trouvai un livre sur les genoux. « Comme vous êtes matinale, Austin, » s'écria-t-elle en souriant. « Vous l'avez été plus que moi-même encore, » lui répondis-je. Elle parut intriguée. « Que voulez-vous dire ? » questionna-t-elle. « Vous n'êtes pas sorti aujourd'hui ? » ?»« Assurément, non. » « Agatha, lui demandai-je d'un ton grave, voudriez-vous bien me dire d'une façon précise ce que vous avez fait ce matin ?» Elle partit à rire en voyant mon air solennel. « Vous me parlez comme si vous me faisiez une conférence, mon cher Austin. Ce que c'est, tout de même, que d'être fiancée avec un savant. Quant à ce que vous désirez savoir, je ne vois pas très bien en quoi cela peut vous intéresser. Mais je vais vous le dire tout de même pour vous faire plaisir. Je me suis levée à 8 heures. J'ai déjeuné à 8h30. À 9h10, je suis entrée dans ce salon où nous sommes, et je me suis mise à lire les mémoires de Madame de Rémusat. Mais, au bout de quelques minutes, je fais à cette grande dame française l'affront de m'endormir sur les pages de son livre, et je vous ai fait, à vous, monsieur, le très flatteur honneur de rêver de votre personne. Il y a quelques minutes que je me suis réveillée. Et vous vous êtes retrouvée ici, telle que vous étiez auparavant ? Belle question ! Où donc voulez-vous que je me sois retrouvée ? Voudriez-vous bien me raconter, Agatha, ce rêve que vous avez fait à propos de moi ? Ce n'est pas uniquement par curiosité que je vous demande cela, croyez-le. Ma foi, je serais fort en peine de vous le raconter, car je n'en ai gardé qu'un souvenir très confus, et j'ai seulement la vague impression que vous y jouiez un rôle quelconque. Alors, si vous n'êtes pas sortie aujourd'hui, Agatha, d'où vient que vos souliers sont couverts de poussière ? Elle me considéra d'un air peiné. « Vraiment, Austin, je ne sais ce que vous avez ce matin. On dirait presque que vous doutez de ma parole. Si mes souliers sont couverts de poussière, c'est que j'en aurais mis une paire que la femme de chambre n'avait pas nettoyée. » Il était parfaitement clair qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qui était arrivé. Et je me fis la réflexion qu'il valait peut-être mieux, après tout, ne pas le lui apprendre. Je risquais de l'effrayer, et c'est tout. Je décidai donc de ne lui rien révéler, et je la quittai pour aller faire ma conférence. Néanmoins, l'impression que m'a laissée cette aventure est des plus profondes. Mon horizon de possibilités scientifiques s'est subitement élargi dans des proportions énormes. Je ne m'étonne plus désormais de l'énergie et de l'enthousiasme diabolique avec lesquels Wilson défend ses idées et travaille à les approfondir. qui ne travaillerait avec acharnement, ayant devant soi un vaste champ vierge à défricher? Ma parole, ne m'est-il pas arrivé déjà de m'exalter à la seule contemplation, à travers une lentille de 30 lignes, d'une nucléite de forme nouvelle, ou d'une fibre musculaire rayée d'un aspect légèrement particulier? Combien de telles recherches semblent mesquines lorsqu'on les compare à celle-ci qui a pour objet la racine même de la vie et la nature de l'âme. J'avais toujours considéré l'esprit comme un produit de la matière. Le cerveau, pensais-je, sécrète l'intelligence, de même que le foie sécrète la bile. Mais comment admettre une théorie pareille dès lors que je vois l'intelligence agir à distance et faire vibrer la matière comme un musicien ferait vibrer les cordes d'un violon? Le corps n'est donc pas ce qui donne naissance à l'âme, mais plutôt l'instrument grossier à l'aide duquel l'esprit se manifeste. Le moulin à vent ne donne pas naissance au vent, il ne fait que l'indiquer. Cette théorie est en opposition flagrante avec toutes celles que je m'étais formées jusqu'à présent, et pourtant elle est d'une possibilité indéniable et mérite d'être étudiée. Au fait, pourquoi ne l'étudierais-je pas? Je vois qu'à la date d'hier, j'ai écrit « Si je pouvais voir des réalités objectives ou positives, je serais peut-être tenté d'envisager la question au point de vue physiologique. » Eh bien, cette preuve que je voulais, je l'ai eue. Je ne manquerai pas à ma parole. De telles recherches offriraient, j'en suis persuadé, un intérêt considérable. Certains de mes confrères vous regarderaient de travers si l'on essayait d'aborder devant eux une semblable question. Mais du moment que Wilson a le courage de son opinion, je peux bien la voir moi aussi. Pas plus tard que demain matin, j'irai le voir, lui et Mademoiselle Penelosa. Et puisque nous en avons déjà tant montré, il est à présumer qu'elle pourra nous en montrer davantage encore. 26 mars. Comme je m'y attendais, Wilson a exulté en apprenant que je m'étais converti à ses idées. Mademoiselle Penelosa, elle aussi, sans toutefois se départir de sa réserve habituelle, s'est montrée contente du résultat de son expérience. Quelle singulière créature, silencieuse et terne cela fait, en dehors des moments où elle se livre à sa pratique de prédilection. Mais il lui suffit d'en parler pour qu'aussitôt elle s'anime et prenne feu. Elle me fait l'effet de s'intéresser étrangement à moi, et lorsque nous nous trouvons dans la même pièce, elle ne me quitte pas des yeux un seul instant. Nous avons eu ensemble une conversation des plus intéressantes sur la puissance dont elle est douée. Il est bon que j'enregistre ici ses opinions, bien qu'elles n'aient assurément aucune portée au point de vue scientifique. « Vous ne faites qu'aborder la question, » me dit-elle, voyant que je m'étonnais du remarquable exemple de suggestion qu'elle m'avait donné. « Je n'avais aucune influence directe sur Mademoiselle Marden quand elle est allée vous trouver. Je ne pensais même pas à elle hier matin. Je me suis simplement bornée, la veille au soir, à préparer son esprit de la même façon qu'on remonte un réveil matin pour déclencher la sonnerie au moment voulu. Si je lui avais commandé de faire ce que je lui disais 6 mois après au lieu de 12 heures seulement, c'eût été la même chose. Et si vous lui aviez commandé de m'assassiner, elle l'aurait incontestablement fait. Mais c'est une puissance terrible que celle que vous possédez là, m'écriai-je. Comme vous le dites, c'est une puissance terrible, répliqua-t-elle d'un ton grave. Et plus vous apprendrez à la connaître, plus elle vous paraîtra terrible. Permettez-moi de vous poser une question, repris-je. En me disant que je ne faisais encore qu'aborder la question, qu'entendiez-vous par là? Quelle en est donc la partie essentielle? Je préfère ne pas vous le dire. La fermeté de sa réplique me surprit. Vous devez bien comprendre, insistai-je, que ce n'est pas uniquement par curiosité que je vous demande cela, mais dans l'espoir que je pourrai trouver quelque explication scientifique au fait que vous m'exposez. « À vous parler franchement, professeur, » me répondit-elle, « je ne m'intéresse à la science en aucune façon. Il m'importe peu qu'elle puisse ou non donner à ses faits une classification. » Cependant, j'avais espéré. « Ah, cela, c'est tout différent. Du moment que vous en faites une question personnelle, » déclara-t-elle avec son plus aimable sourire, « je ne demande pas mieux que de vous fournir tous les renseignements que vous désirez. Attendez un peu. Que me demandiez-vous donc? Ah oui, le côté essentiel de la question. Eh bien, le professeur Wilson se refuse à croire qu'il y ait d'autres pouvoirs plus grands encore. Et pourtant, je maintiens, moi, qu'ils existent. Ainsi, par exemple, il est possible à un opérateur d'exercer une domination absolue sur son sujet, pourvu que ce sujet soit bon, et de lui faire accomplir tout ce qu'il veut, sans avoir besoin pour cela de recourir à une suggestion préalable. » « Et sans que le sujet s'en doute. » Cela dépend. Si l'influence était fortement exercée, le sujet n'en aurait pas plus conscience que Mademoiselle Marden lorsqu'elle est allée vous trouver et vous a donné une telle douleur. Ou bien si, au contraire, l'influence était moins grande, il pourrait se rendre compte de ce qu'il ferait, mais sans être en état d'opposer la moindre résistance. Aurait-il donc perdu toute sa volonté ? Non, mais elle serait sous la domination de l'autre, plus puissante que la sienne. Vous est-il arrivé, pour votre part, d'user de ce pouvoir ? Plusieurs fois. Votre volonté, à vous, est donc bien forte. À vrai dire, cela ne dépend pas absolument de la volonté. Beaucoup de personnes sont douées de fortes volontés, mais n'ont pas le don de les détacher d'elles-mêmes. Ce qui importe avant tout, c'est d'avoir la faculté de transporter sa propre volonté chez les autres et d'amener la leur à lui céder. J'ai remarqué que mon influence varie selon mes forces et suivant l'état de ma santé. En somme, votre action consiste à envoyer votre âme dans le corps d'un autre. Mon Dieu, si vous voulez. Et votre corps à vous, que fait-il pendant ce temps-là ? Il est simplement en léthargie. Mais ces sortes d'expériences ne risquent-elles pas de mettre votre santé en péril ? Un peu, peut-être. Il faut prendre garde de ne jamais se laisser tomber dans une inconscience complète, sans quoi l'on risquerait fort d'avoir du mal à réintégrer son propre moi. On doit toujours se maintenir en contact avec soi-même. Vous devez trouver que je m'exprime bien mal, professeur, mais il va de soi que je ne suis pas de taille à vous expliquer ces choses d'une façon scientifique. Je me borne à vous dire ce que j'ai constaté et à vous en donner mon interprétation personnelle. Eh bien, je relis maintenant tout à loisir ces déclarations et je me surprends moi-même. Est-ce bien là cette Austin G. Broy, qui s'est acquis une réputation grâce à la précision de ses capacités de raisonnement et à son attachement méticuleux à l'étude des faits? Me voici en train de commenter gravement le babillage d'une femme qui me raconte comme quoi elle peut expédier son âme hors de son corps et tandis qu'elle est plongée dans la léthargie, gouverner à distance, suivant son gré, les actions des gens. Est-ce à dire que je souscris à de pareils calembredaines ? Allons donc. Il faudra d'abord qu'elle me fournisse preuve sur preuve, avant que je cède d'une ligne. Toutefois, et bien que je m'entête dans mon scepticisme vis-à-vis de ces choses-là, je ne les tourne au moins plus en ridicule. Il est convenu que nous tiendrons ce soir une séance et qu'elle verra si elle est capable d'exercer sur moi une influence magnétique quelconque. Si elle y parvient, ce sera là un excellent point de départ pour nos recherches futures. Personne, en tout cas, ne pourra m'accuser de complicité. Si elle ne réussit pas, il faudra que nous tâchions de trouver un sujet qui tiendra le rôle de la femme de César. Wilson, lui, est absolument réfractaire à toute tentative de ce genre. 10 heures du soir. Je crois que je suis au seuil d'une investigation qui fera époque dans les annales de la science. Avoir le pouvoir d'étudier du dedans ces phénomènes, posséder un organisme qui répondra et en même temps un cerveau qui appréciera et critiquera, c'est assurément un avantage unique. Il n'y avait pas d'autre témoin que Wilson et sa femme. J'étais assis, avec la tête renversée en arrière, et Mademoiselle Penelosa, debout devant moi et un peu éloignée vers la gauche, s'est servie des mêmes mouvements larges des bras qu'elle avait employés pour endormir Agatha. À chacun de ces mouvements, j'avais la sensation qu'un courant d'air chaud me frappait la figure et je me sentais frémir et vibrer de la tête aux pieds. Mes yeux étaient fixés sur Mademoiselle Penelosa, mais pendant que je la regardais ainsi, il me sembla que ses traits se brouillaient d'abord, puis s'effaçaient petit à petit. J'avais seulement conscience de ses deux yeux, fixés sur les miens, deux yeux gris, profonds, insondables. Ils devinrent plus grands, toujours plus grands, si grands même qu'à la fin, devenus démesurés, ils finirent tout à coup par se métamorphoser en deux lacs montagneux vers lesquels j'eus l'impression que je tombais avec une rapidité terrifiante. Je frissonnais, mais en même temps, une sorte d'arrière-pensée profonde me fit comprendre que ce frisson était le même que celui que j'avais observé chez Agatha. Un instant après, je frappais la surface des lacs, maintenant réunis en un seul, la tête en feu et les oreilles bourdonnantes. Je coulais à pic, plus bas, encore plus bas, et puis décrivant un grand cercle. Je remontai brusquement et je vis la lumière qui brillait à travers l'eau verdâtre. J'étais presque revenu à la surface lorsque les mots « Réveillez-vous » retentirent à mes oreilles, et tressaillant, je me retrouvai dans le fauteuil, en face de Mademoiselle Penellosa, appuyée sur sa béquille, et de Wilson qui, son calepin à la main, m'épiait par-dessus l'épaule de la créole. Cette expérience ne m'a laissé ni lourdeur dans la tête, ni sensation de lassitude d'aucune sorte. Au contraire, et bien qu'il n'y ait encore guère qu'une heure qu'elle a eu lieu, je me sens si éveillé et si dispos que j'ai plus envie de travailler que d'aller me coucher. Je vois déjà se déployer devant nous toute une perspective d'expériences intéressantes, et je me ronge d'impatience tant j'ai hâte de les commencer. 27 mars. Journée vide, puisque Mademoiselle Penellosa doit aller avec Wilson et sa femme chez les Sutton. J'ai commencé le magnétisme animal de Binet et Ferré. Quelle étrange et profonde énigme que celle-là ! Des résultats, des résultats, des résultats ! Mais quant à la cause qui les a provoqués, mystère ! C'est un aliment savoureux pour l'imagination, mais contre lequel je dois me tenir en garde. Laissons de côté toutes les hypothèses et les déductions, et ne retenons que les faits dûment corroborés. Je sais que le sommeil hypnotique existe réellement. Je sais que la suggestion magnétique existe réellement. Je sais que je suis moi-même capable de subir l'influence de cette force. Voilà ma situation telle qu'elle est actuellement. Je me suis muni d'un grand carnet de notes, tout neuf, qui sera en entier consacré au relevé des détails scientifiques. Longue conversation dans la soirée avec Agatha et Madame Marden à propos de notre mariage. Nous sommes d'avis que le mieux serait de fixer la date de la cérémonie au premier jour de vacances d'été. À quoi bon tarder davantage ? Il me semble que c'est même trop de ces quelques mois qu'il nous faudra attendre encore. Néanmoins, comme le fait remarquer avec juste raison Madame Marden, il reste bien des choses à préparer. 28 mars. Hypnotisée une seconde fois par Mademoiselle Penellosa. Expérience très semblable à la précédente, sauf que l'insensibilité s'est produite plus vite. Voir Carnea pour température de la chambre, pression barométrique, pouls et respiration relevés par le professeur Wilson. 29 mars. Hypnotisé de nouveau. Détail dans Carnet A. 30 mars. Dimanche, donc journée vide. Je mérite chaque fois qu'une chose ou une autre vient interrompre le cours de nos expériences. Jusqu'à présent, elles se bornent à embrasser les particularités physiques qui caractérisent l'insensibilité suivant qu'elle est légère, complète ou extrême. Après, nous espérons passer de là au phénomène de la suggestion et de la lucidité. Certains professeurs ont déjà démontré ces choses-là en opérant sur des femmes à Nancy et à la Salpêtrière. Ce sera plus convaincant de voir une femme le démontrer sur un professeur avec un second professeur comme témoin. Et dire que ce sera moi, le sujet, moi, le sceptique, le matérialiste. J'aurai du moins prouvé par là que je place mon amour pour la science au-dessus de mes préjugés personnels. Se rétracter est le plus grand sacrifice que nous impose la vérité. Mon voisin d'en dessous, Charles Sadler, le jeune et élégant démonstrateur d'anatomie, est monté chez moi ce soir pour me rendre un volume des archives de Virchow que je lui avais prêté. Je l'appelle jeune, mais en réalité, il a un an de plus que moi. « Il paraît, Gibroy, me dit-il, que Mademoiselle Penellosa se livre à des expériences sur vous. Eh bien, poursuivit-il, lorsque je lui eus déclaré que c'était exact, à votre place, moi, j'en resterai là. Vous allez me trouver bien impertinent, sans doute, mais il n'en est pas moins vrai que je considère comme un devoir de vous conseiller de cesser vos relations avec elle. » Naturellement, je lui demandai pourquoi. « Ma situation est telle que je ne puis pas m'expliquer avec autant de liberté que je le voudrais, » me dit-il. « Mademoiselle Penellosa est votre amie, et vous êtes le mien, de sorte que je me trouve dans une position très délicate. Je me bornerai donc à vous avertir d'une chose. C'est que je me suis moi-même soumis, avant vous, aux expériences de cette personne, et que j'en ai gardé une impression fort désagréable. » Comme il devait bien s'y attendre, je ne me contentais pas d'une aussi mince explication, mais c'est en vain que j'essayais de lui arracher des détails plus précis. Se peut-il qu'il soit jaloux que je l'aie remplacé ? Ou bien serait-il de ces savants qui se froissent comme si on leur avait fait une injure personnelle dès qu'on leur oppose des faits contraires à leur opinion préconçue ? Il ne peut pas prétendre sérieusement me faire renoncer à une série d'expériences dont j'attends de si précieux résultats, sous le seul prétexte qu'il a je ne sais quelle vague grief contre Mademoiselle Penellosa. Il m'a eu l'air vexé de la désinvolture avec laquelle je traitais ces sombres avertissements, et nous nous sommes quittés avec un peu de froideur. 31 mars, hypnotisé par Mademoiselle P. 1er avril, hypnotisé par Mademoiselle P. Note dans le carnet A. 2 avril, hypnotisé par Mademoiselle P. Tracé sigmographique pris par le professeur Wilson. 3 avril. Il se peut que ces séances répétées de magnétisme fatiguent un peu l'organisme. Agatha m'assure que j'ai maigri et que mes yeux sont plus cernés que d'habitude. Je me sens en proie à une irritabilité nerveuse que je n'avais jamais remarquée chez moi auparavant. Le moindre bruit, par exemple, me fait tressaillir. Et quand un étudiant me répond quelque ânerie, cela me fâche, au lieu de m'amuser. Agatha insiste pour que je m'arrête, mais je lui réponds que toutes les études suivies, quelles qu'elles soient, sont fatigantes, et que l'on ne peut arriver à aucun résultat sans en payer le prix. Quand elle verra la sensation que ne manquera pas de produire le mémoire que je veux préparer sur les rapports entre l'esprit et la matière, elle comprendra que cela compense largement la peine que je me donne. Il se peut fort bien que cela me fasse gagner mon FRS. Hypnotisé de nouveau ce soir. L'effet se produit plus rapidement à présent et les visions subjectives sont marquées. Je tiens des notes détaillées sur chaque séance. Wilson s'en va passer 8 ou 10 jours à Londres, mais nous n'interromprons pas pour cela nos expériences dont la valeur dépend autant de mes sensations à moi que de ses observations à lui.